Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 44. J'espère que vous êtes en forme. Il est lundi matin, on est quelle date en plus? On est le 8 juin. Et puis il est tôt, je me suis levé à 7h30 à matin. C'est parce que mardi, mercredi et jeudi matin, je risque d'avoir mes matins libres pour aller travailler chez Retro Montréal. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai besoin de travailler, j'ai envie de travailler. Et puis j'ai un autre contrat aussi, fait que en tout cas, mes matins allaient être pas mal occupés. Et puis en soirée, je trouve ça quand même difficile d'enregistrer ces épisodes-là parce que j'ai ma journée dans le corps et puis il y a les enfants et tout et tout. Donc c'est vraiment le matin qu'il faut que ça se passe et puis me voilà encore la croûte des yeux là, tout ça, mais c'est pas grave, ça va très bien. Je suis bien caféiné déjà, je le serai encore plus tout à l'heure. Et puis aujourd'hui je continue de passer au travers de ma collection Super NES. Et puis on était rendu à la lettre O et puis je suis pas sûr qu'on va être capable de terminer aujourd'hui par contre. Mais d'après moi, on va être bon pour en faire un bon bout, là. Alors, on va commencer ça. Avant de commencer avec la lettre O, je veux commencer. Je vais essayer de pas faire de bruit. Je me suis rendu compte que le micro, il est vraiment sensible à tout ce qui est manipulation de cassette et puis tapochage sur le clavier, même si je tapoche vraiment pas fort. Donc, je voulais parler d'un jeu qui est dans les G que j'ai acquis dernièrement, que vous avez vu dans mon épisode précédent, j'imagine. Donc, man, dis-moi pas que la caméra va recommencer à faire des siennes. Bon. Il s'agit de Ghoul Patrol. C'est quand même flou un peu. Alors, Ghoul Patrol, qui est la suite, j'en ai parlé dans mon dernier épisode, comme je disais, c'est la suite de Zombies Ate My Neighbors. Et puis, c'était sur ma wishlist. Bien content d'avoir ça dans ma collection. Et puis non, c'est pas Konami pantoute là, c'est Sony, JVC, toute la kit là, comme un jeu de Star Wars là dans le fond. Mais c'est vraiment la suite, c'est le même concept, la même chose. Donc ceci s'ajoute dans les jeux et puis ça vaut 135 tomates. Et puis je suis très content d'avoir ça, Ghoul Patrol, alors je voulais juste le ressouligner. Parce que ça serait pas une vraie couverture de ma collection si je mettais pas de tout. Prochain jeu, là on commence les hauts pour vrai, il s'agit de On The Ball. Là mon label est un petit peu sale, là. Excusez, c'est très gênant. Et puis, ouais, ça c'est un jeu que j'avais jamais vu avant. Tu sais, j'avais jamais... Je suis pas aussi connaissant, mettons, de la librairie de la Super NES comparé à la NES. Donc, je m'intéresse pas à tous les titres existants, mais j'ai comme vu ça apparaître chez Retro Montréal. Et puis, bon, gros logo de Taito sur une cassette de Super Nintendo, c'est tout le temps bien excitant ça. Et puis, je regardais ça, puis là, c'est comme, oh, un genre de jeu de Brick Breaker, roulage de billes, Marble Madness, Marble Mania, so oui. Ça semble être un peu dans ce style-là. Je l'ai même pas vraiment essayé encore en plus, mais c'est drôle parce que je suis comme « Ah, ça doit valoir cher ça, il me semble que je vois jamais ça. » Et puis, à partir de ce jour-là, j'en ai vu plein. Alors, je prêtais pas attention à ce jeu-là, mais ça semble être un jeu commun au Super Nintendo. Ah ben, tu vois-tu, il est rendu à 30$ quand même, ce qui est quand c'est surprenant. Je pensais que c'était 10-15$ moi cette affaire-là. Ouh, va peut-être falloir qu'on revise nos prix chez Retro Montréal, je pense qu'on en a un. Mais c'est intéressant. Moi j'aime ça des jeux conceptuels de ce genre-là, alors ouais, content d'avoir ça. Tu sais, des petites affaires. Prochain jeu dans les hauts. C'est des bons jeux dans les hauts, il y en a juste trois en fait. Les deux prochains, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ça, j'en ai parlé beaucoup l'année passée, Opération Logic Bomb, qui est un top-down shooter, et puis j'ai acquis la boîte aussi dernièrement. J'allais tellement aimer que quand j'ai vu la boîte passer localement dans un groupe, j'ai décidé de l'acheter. Donc, excellent jeu, moi je recommande ça à tout le monde, c'est bien fait, bonne musique, tout, belle ambiance. J'ai réussi à le finir, pas trop dur, mais pas trop facile non plus, il y a des boss vraiment pas plaisants là-dedans. Et puis, si vous suivez ma page Facebook, et vous devriez vraiment le faire, Vous avez vu hier que j'ai terminé le jeu. Ben, je dis hier. Vous avez vu le 7 juin, sur l'heure du souper, dimanche 7 juin, que j'ai publié un post qui dit que j'ai terminé Fortified Zone sur Game Boy, qui est un jeu dans cette série-là. Donc, de ce que je comprends, Fortified Zone au Game Boy serait le premier jeu de la série. Il y a eu un 2 au Game Boy qui, je pense, n'est sorti qu'au Japon. Et puis, ça, Opération Logic Bomb, ça serait le 3 de cette série-là de top-down shooter. Donc, si c'est bien le cas qu'il y a vraiment Fortified Zone 2 exclusif au Japon, c'est définitivement quelque chose que je vais vouloir me procurer éventuellement. Parce que je veux le full set Game Boy. Mais je veux aussi les petits jeux là qui sont bons, mais qui sont juste sortis à des places. Comme Trip World, il est sorti au Japon, mais il est aussi sorti en Europe. Et puis je l'ai version européenne. Ça, c'est quelque chose que je voulais, je suis très content. Donc c'est ça, il y a des petites gems là, japonais seulement qui existent au Game Boy. Et puis je vais me les procurer, c'est sûr. Donc Opération Logic. Bam! Ça vaut aussi 30$, et là j'ai de la misère à y croire que ça, ça vaut aussi cher que Underball vaut aussi cher que ça. En tout cas, moi je mettrais ça 40$ en magasin. Non, mais faut vérifier ça, là, mais coudonc, tant mieux, c'est pas cher. Tu sais, amateur de Super Nintendo, ça c'est des bonnes cassettes à avoir, ça. Prochain jeu, celui... Ah non, attends, ça c'était 40$, loose. Donc, moi, je l'ai complet, donc 75. Voilà. Faut que je le dise quand je les ai complets. Prochain jeu, je l'ai complet aussi parce que c'est un jeu de ma tendre enfance que j'empruntais à mon ami Marc-André Ahern. A-H-E-R-N, je pense. Oh, c'est pas commun comme nom de famille, ça. Mon cher ami Marc-André, qui est maintenant décédé, malheureusement, et... quelqu'un avec qui j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo, NES, Super NES et Genesis. Lui, il y avait les deux. Il y avait les deux consoles 16 bits, Super NES et Genesis. C'était fou raide. Et puis, on a joué à Mario World, bien sûr, à côté. Puis, c'est avec chez eux et puis avec nos amis, tout le monde, qu'on a découvert NHL 93 là, pour la première fois au Genesis. J'étais pas bon dans ce temps-là. Je suis pas bon aujourd'hui. On jouait tous au hockey, puis lui, il trippait bien raide, bien sûr. Donc, pas lui, mais tous mes amis trippaient bien raide. Moi, je trouvais ça bien. Mais moi, dans ce temps-là, j'ai découvert Street Fighter. Marc-André, il y a eu... il y avait des jeux de Genesis puissants que lui, il jouait jamais. T'sais. Il y avait genre Streets of Rage, Thunder Force 2, ces affaires-là. C'était malade. Moi, je capotais. Quand on allait chez eux, ça, c'était du bon gros Genesis. Mon Super NES, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait ce jeu-là que je n'ai même pas nommé encore. Out of This World. Excusez. Il y avait Super Mario World, Out of This World. Pourtant, il y a mes affaires en World, lui, apparemment. Et puis, c'est ça. Puis, moi, je trouvais ça fucké, là, ce jeu-là, tu sais. Mais Marc-André était cool. À un moment donné, il me prêtait ses affaires pendant longtemps. Il m'avait prêté son Genesis avec ses jeux pendant longtemps. Je suis comme, wow, man, je capotais. Et puis, quand il m'a prêté Out of This World, moi, je suis comme, man, je suis rentré là-dedans, je voulais réussir ce jeu-là. Et puis, j'ai finalement réussi, puis il n'y avait pas Internet dans le temps, fait que j'ai vraiment creusé là, ma tête pour essayer de... Puis, tu sais, c'est un peu weird, pareil, là, c'est pas que j'étais pas intelligent, des fois, c'était quand même un peu mal fait. Mais j'ai quand même trouvé, là, comment réussir à finir, par finir ce jeu-là. Puis, j'ai trouvé ça que c'était un monde incroyable, unique. C'est une œuvre d'art, ce jeu-là. Another World, l'original, en fait, qui était sorti sur PC, puis Genesis et tout. J'ai aussi le Limited Run de Switch que j'ai joué et que j'ai adoré, qui est nettement plus facile et rapide que cette version-là. Ça, c'est slow, là. Il y a des ralentissements et tout. Mais ça fait partie du charme. C'est un jeu que j'aime d'amour. Et puis, c'est dans la mémoire de mon ami. C'est un ami d'enfance, c'est pas quelqu'un que je côtoyais là, dans ma vie adulte, là, mais tu sais, comme... on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. On pêchait les écrevisses et les salamandres aussi. Cool guy, ce Marc-André. Donc 20$ loose et puis 45$ complet en boîte, ce qui est quand même pas cher, je trouve. Et puis, coudon, hein? C'est pas pour tout le monde, par exemple. Si vous connaissez pas ça, là, allez voir du gameplay et puis assurez-vous que c'est votre style, parce que sinon vous allez pas aimer ça. Pantoute! Prochain jeu, un beat'em up, la Super Nintendo est bien bonne pour les beat'em up. Je dis ça tout le temps. Celui-là, c'en est un bon, par exemple, auquel je n'ai pas vraiment joué, malheureusement, qui fait partie de la trilogie avec Rival Turf et puis Brawl Brothers. Celui-là, c'est celui qui vaut le plus cher, c'est le Peacekeepers. Je ne l'ai pas essayé, comme je vous dis, ou très peu, je ne me rappelle plus. J'ai acquis ça dans un party rétro gaming au Fouf que j'ai fait il y a genre 7 ans. Excusez, ça c'était un méga beau gros party. C'était avant Arcane Montréal, c'était avant tout. Et puis, c'est ça, c'était une grosse soirée de jeux vidéo avec du stock partout, des vendeurs, des consoles pour jouer, de la bière pas chère. C'était quelque chose que je rêvais de faire, ça, cet événement-là. Et puis, notre ami Sal, qui était gérant, je dois l'être encore, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Au Fouf, nous avait tout organisé ça. Ça a été le coup d'envoi dans ma tête pour avoir un bar arcade. Et puis, pas le coup d'envoi, mais la réalisation que, wow, ça va marcher, tu sais. Fun fact, d'ailleurs, si c'était pas un bar qu'on ouvrait nous-mêmes, on était en discussion avec Sal pour essayer de récupérer une section des Fouf en haut, au deuxième étage, pour faire un genre d'arcade. Puis moi, je voulais faire un genre de repère du Foot Clan, comme dans le premier film des Turtles. C'était intéressant, disons. Il y avait un espace intéressant là-dedans. Donc, j'ai quasiment envie de le faire encore. Non, ça serait malade. Une chose à la fois, là, c'est le COVID. Alors, le COVID, man, nous empêche de tout faire. Et puis, The Peacekeepers, j'ai acquis ça ce soir-là, à cet endroit-là. Et puis, j'étais bien chaud et très heureux. Et puis, ça vaut maintenant 60$ quand même. Donc, c'en est un bon, celui-là, à ce qui paraît, si vous aimez les beat'em up. Prochain jeu qui est légendaire malgré lui, c'est parce que c'est un des jeux avec les pochettes les plus laides de l'histoire des jeux vidéo! C'est Phalanx, parce qu'on est, oui, dans l'épée. Et puis, moi, j'aime pas ça, là, quand les gens ils disent là, que E.T. c'est le pire jeu de l'histoire des jeux vidéo et que la pochette de Phalanx, c'est la pochette la plus laide des jeux vidéo. Ça, c'est des affaires, ça, de YouTubers faciles, là, qui ont pas essayé les jeux, là, tu sais, comme... Jouer à E.T., en fait, jouer à l'Atari 2600 pour vrai, là. Essayer des jeux, plein de jeux, creuser dans la librairie. Là. Vous allez voir que E.T. c'est comme crissement développé là, comme jeu. Là. T'sais, c'est pas rien E.T., il y en a du stock là-dedans. Fait que c'est un ben correct jeu. Et puis, c'est pas ça qui a tué les jeux vidéo. Et puis, il y a plusieurs raisons à ça. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais calmez-vous sur le sujet. Deuxièmement, Phalanx, cette pochette-là, est ben correcte. Pourquoi ne pas être original de temps en temps? Hein? Moi, je trouve ça le fun, cette pochette-là. J'ai pas le jeu complet, malheureusement, mais je le veux. Parce que, c'est ça, quand j'étais jeune, il y a eu un deuxième club vidéo qui est ouvert, après Madame Oiseau, pauvre Madame Oiseau. Et puis, le club vidéo Dawson, qui avait déjà une succursale à Sainte-Marie, qui était pas mal grosse, puis là, ils sont venus ouvrir à Saint-Joseph. Donc ça, c'est proche, là, c'est du boss knowledge. Et puis, il y avait ça, ce jeu-là, cette pochette-là. Je suis comme, oh, man, c'est malade, je veux voir ça. Et puis, ouais, c'est un shmup, hein, si ceux qui ne le savaient pas le savent. C'est un shmup qui, malheureusement, n'est pas si bon que ça, je dirais. Et puis, j'ai essayé quelques fois de jouer à ça, puis de rentrer dans le jeu. Je vais aimer ça, tu sais, c'est cool. Parce que c'est très beau, pour vrai, il est très beau, ce jeu-là. Mais... Ah! J'y arrive pas encore. C'est pas brisé, c'est... Je sais pas. Mais moi, ça colle pas encore. Mais ça va venir. Donc, la pochette la plus laide de l'histoire des jeux vidéo, Loose, ça vaut 30$. Et complet en boîte, ça vaut 80$. Je l'ai pas complet, je le veux. Un autre bon petit beat'em up ici. Assez underrated, ou du moins méconnu. Il y a beaucoup de blanc sur le label. Là. Je vais essayer de faire le focus. Ah ouais, focus, petite caméra. Focus. Ah, petite cochonnerie. Ok, bon, ça sera pas parfait, là, mais vous le voyez mieux ici. C'est The Pirates of the Dark Water, qui est une série faite par Anna Barbera, à la télévision, à TV payante, des comics le matin aux États-Unis. Je sais pas si on a eu ça ici au Canada. Moi, j'ai jamais écouté ça, en tout cas. Et puis, qui dit Anna Barbera, dit Flintstones, Pierre à feu et Jetsons. Donc, c'est dans le même style là, visuel, sauf là, c'est badass, pirate et tout et tout. Très, très bon beat'em up, pour vrai. On dirait que les gens connaissent pas ce jeu-là. Moi, j'ai eu ça très tôt, complet, en boîte, dans un pawn shop qui est fermé, malheureusement, de la rue Ontario. Et puis, j'avais négocié pour la boîte et tout. Puis, je pense que j'avais payé ça 40$ dans le temps. Puis, complet, là. On va aller voir combien ça vaut maintenant. Complet en boîte au Super Nintendo, comme ça vaut 200$. Tu vois, la cassette elle-même vaut 80. Donc, c'est pas de la merde, ça, mes amis. Ouvrez-vous les yeux sur cette chose. Et puis, là aussi, au Genesis, ça, je l'ai pas essayé. Mais au Super NES, moi, j'aime beaucoup. C'est très bon. Et puis, c'est pas, ça me semble être méconnu de la masse en général. Alors, gardez un œil là-dessus. Prochain jeu que j'aime beaucoup aussi et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais jamais joué à ça. Pocky and Rocky, qui est un top-down shooter, mais frénétique, là, vraiment. De petites filles, de petits ratons. Et puis, c'est magnifique, ça. C'est Natsume à son meilleur. Ça joue en co-op aussi. C'est un jeu qui a une belle valeur et qui est, ma foi, très bon. C'est comme c'est japonais. C'est plaisant, sérieux, c'est super bien fait, puis je sais pas pourquoi j'ai jamais vu ce jeu-là dans ma vie quand j'étais jeune. Il y avait pas ça dans les clubs vidéo, il y avait pas... aucun de mes amis avait ça, j'avais pas vu ça dans Nintendo Power, donc je connaissais pas ça du tout. Et puis j'ai découvert ça, on m'a fait découvrir ça il y a quand même pas si longtemps, il y a quelques années. Et puis j'ai vraiment trippé, c'est très très bon, j'ai pas réussi à le finir encore, ça devient dur là vers la fin. Mais ça, c'est un must, là, je trouve, dans une collection Super NES. C'est bon pour tout le monde. Et puis, ça a une valeur, hein? Pocky and Rocky au Super Nintendo, cartouche seulement, est rendu à 200$ quand même. Je pense que les prix ont augmenté pendant la COVID, là, parce que c'était moins que ça, là, me semble. Mais ça continue de monter, ces foleries-là. Alors, excellent jeu pour collectionner, pour jouer. Ça vous prend ça. Ça, c'est le 1. Il existe le 2 et je l'ai ici. Et puis, ça, c'est un jeu que j'ai acquis de Retro Montréal et que je voulais dans ma collection, of course. Et puis, il était vraiment dans mes dans le haut. J'essaie de faire le focus comme il faut, là. OK. Il était dans le haut de ma wish list parce que ça coûte cher, ça. Pocky and Rocky 2, ça vaut 450$. Et puis, c'est pas donné. Et puis, c'est la même chose, sauf que je pense qu'il y a plus de magie ajoutée, puis il y a du co-op, là, de façon différente un peu. Je l'ai juste survolé rapidement. C'est ce que j'ai décelé, en tout cas, comme truc, comme différence. Oh my god, excusez-moi. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez jouer, si vous voulez l'expérience Pocky and Rocky, juste pour l'expérience... achetez-vous le 1, là. Le 2, c'est vraiment si tu veux collectionner puis avoir des grosses cassettes chez vous. Mais c'est ça, donc ça semble être pas mal au complet, très très la même affaire. Donc je disais que ça vaut 450$, je l'ai loose bien sûr, j'ai pas besoin de ça CIB, non monsieur, mais CIB ça vaut 900, donc on va être rendu à proche de 1000. Très bel objet quand même. Prochain, on tombe dans les R. Et puis ça, c'est un schmuck. Et il s'agit de R-Type 3. 3. Que la caméra focus pas. Ça là, attends un peu, il y a un Lightning. Third Lightning, je pense, quelque chose de même, mais c'est pas écrit sur le jeu. Donc, très beau sticker ici. Magnifique. Moi, comme j'ai déjà dit dans mes épisodes, je suis pas vraiment fan de R-Type. Mais celui-là, je l'aime bien. Il y a deux R-Type que j'aime un petit peu plus. Celui-là et puis R-Type Final au PlayStation 2. Et puis celui-là, il est plus... d'entrée de jeu, il est plus efficace, il est plus accessible. Mais je me suis pas rendu comme super loin, là. Pas si fan que ça de la série. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai pogné ça, ce jeu-là. Mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai. Puis je l'ai pas payé si cher. Et puis... j'ai acquis la boîte et le livret il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a un an et demi, quelque chose de même, quelqu'un qui vendait ça localement. Je suis allé chez eux, tout. Puis c'est même pas un jeu pour lequel je désirais tant que ça, avoir la boîte puis le livret, tu sais, même pas du tout, vu que j'aime pas vraiment la série, mais le prix était bon, puis ce soir-là, je suis comme « Ah, fuck off, hein, ça va donner beaucoup de valeur, ça, à l'ensemble. » Et puis, c'est un jeu, ça, qui, justement, prend de la valeur tout le temps, il me semble. Ah non, Super Famicom, Super Nintendo, ok. Donc, la cartouche seulement. Ah, je suis surpris, là. Voyez-vous, ça a monté. Moi, j'ai peut-être payé ça 50$ dans le temps. Maintenant, ça vaut 150. Et puis, complet en boîte, on est à 340. Donc, c'est pas de la merde, comme on dit. Et puis, c'est un bon jeu, ça. Donc, si vous êtes fan de la série, c'est sûr que c'est un must. Prochain jeu, c'est encore un shmup d'une série légendaire, Raiden. Et puis, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Raiden Trad au Genesis puis au Super Nintendo. Ce qui est très bizarre. Et puis, ça, il me semble que c'est le premier Raiden, dans le fond, du classique. Il y a beaucoup de Raiden, là. Moi, j'ai le 5 sur Switch présentement. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils en ont fait plusieurs avec les années. Et puis, ça, je crois que c'est le premier. Et puis, tant qu'à moi, le premier sur Atari Jaguar est vraiment là, à son meilleur. Et c'est même pas une joke. Celui au Super NES, c'est drôle, j'avais parlé de Darius Twin dans l'épisode qu'il y a les dés dedans. Et puis, tout comme Darius Twin, Raiden est un shmup que j'avais dans ma collection, mais que je trouvais moyen, puis que j'avais décidé de vendre. Mais là, finalement, vu que j'ai beaucoup de jeux Super NES, je ramasse aussi les jeux qui sont pas de la merde, mais qui sont corrects, mais qui sont quand même cool d'une certaine façon. Donc, j'ai repris Raiden dans l'inventaire de Retro Montréal, et puis ça vaut 20$. Donc, c'est pas grand-chose, mais si je l'ai repris aussi, c'est parce que je l'ai réessayé un petit peu. Et puis, j'ai trouvé que le gameplay était correct, alors c'est de retour dans la collection à papa cassette. Prochain jeu, Beat'em Up. Coudon, c'est-tu un épisode, ça, de Top-Down Shooter et Beat'em Up? Parce que là, je regarde ça, pis c'est pas mal juste ça, des Beat'em Up, des Shmup, et puis des Top-Down Shooter. En tout cas, on continue. Il s'agit de Rival Turf, comme je disais, qui est dans la même catégorie que Peacekeepers et Brawl Brothers. J'ai pas fait mes devoirs pour vous expliquer pourquoi ces trois affaires-là sont dans la même série, mais je peux vous dire que les trois sont publiés par Jaleco. Alors, c'est déjà ça. Et puis ça rentre un peu plus dans les pochettes LED de la librairie, tant qu'à moi, avec des vrais humains, mais habillés là, vraiment badass, avec des côtes de cuir et puis des bandeaux pis tout, avec un building en arrière, c'est fou malade. Et puis ça vaut rien, c'est celui qui vaut rien dans la gang. Je m'en rappelle plus d'avoir déjà joué à ça, pour être franc, mais il me semble que lui, il avait pas de profondeur, il était juste comme 2D, là, tu pouvais pas avancer ou reculer dans les plans, il me semble, comme les Power Rangers. Donc, ça vaut 15$, ça, mes chers amis. Complet en boîte, 40$. Ah, je vais y jouer. Bon, prochain jeu, on change de style un peu. Ça aussi, c'est un jeu d'enfance pour moi. Et puis, quand c'est passé chez Retro Montréal, c'est revenu dans ma collection. Il s'agit de Roadrunner's Death Valley Rally. Donc, c'est vraiment comme le cartoon. Là, tu cours dans le désert, et puis le coyote, il veut te tuer. Et puis, il y a des façons de te tuer différentes à chaque niveau, c'est très beau. C'est un jeu qui a pas de valeur, et puis on pourrait penser que c'est un jeu vraiment brisé et plein de merde. Mais non, c'est quand même jouable et comique et intéressant. Ce que j'aime un peu moins de ces jeux-là, c'est un peu comme Sonic. Là, les niveaux sont tellement grands, en hauteur, puis t'as comme l'impression de rater des choses, là, tu sais. Moi, j'aime pas ça comme jouer un jeu puis rater des choses. Que ce soit des jeux comme Cool Spot, Bubsy, Sonic ou ça, c'est des niveaux très vastes. Et puis, tu le sais que tu manques plein d'affaires. Puis moi, ça me dérange un peu, ça. Mais malgré tout, ce jeu-là est bien plus jouable qu'on le pense. Et puis, moi, pour le prix, sérieux, j'ai remis ce jeu d'enfance dans ma collection. Ça vaut 10$. Une curiosité, essayez-le, c'est vraiment quand même correct. Là. Un peu difficile au niveau du gameplay. Prochain jeu, c'est un jeu que j'ai jamais vraiment joué, mais que je sais que c'est un must à avoir dans sa collection de Super Nintendo. Il s'agit de Rock'n'Roll Racing. mon ami Michael Baroque Larouche aime beaucoup ce jeu-là. Alors, voilà, il y a de la vraie musique là-dedans, de groupes de heavy metal avec des cheveux longs, des poils, comme on dit. Il y a de la vraie musique de poêle là-dedans, donc ce qui est quand même surprenant d'avoir les droits de ça, ça doit pas coûter, ça doit coûter cher quand même. Donc j'imagine que c'est un, c'est à la RC Pro-Am ou whatever que tu gagnes du cash et puis tu builds ton truck et puis tu changes de truck et puis c'est ça, c'est de la course. J'avais trouvé que les sprites étaient gros. Ouais, c'est comme un ARC Pro-Am sur la sauce. ARC Pro-Am de poêle, donc voilà. Ça, mes chers amis, ça vaut quand même 50$ loose. Je l'ai complet en boîte parce que on avait la boîte puis le livret dans tout ce qu'on a ramassé au Game Zone, dans les centaines de boîtes qu'on a ramassé au Game Zone. Alors, tant qu'à y être, je l'ai complété. Ce jeu-là, il n'est pas du tout pour moi un classique ou quoi que ce soit parce que je n'y ai jamais vraiment joué. Mais je sais que c'est un classique de la console. C'est un jeu respectable qu'il faut respecter. Alors voilà, je le respecte en l'ayant complètement en boîte. Et puis, j'y jouerai entre amis lorsqu'on aura le droit de voir des amis. Prochain jeu est un jeu intéressant. C'est un hack and slash. Il s'agit de Run Saber. Jeu publié par Atlus, développé par je sais pas qui, et puis peut-être par Atlus aussi. Et puis c'est un Strider, ça. C'est un jeu comme Strider un peu. Et puis moi j'ai acheté ça au Free Game de Saint-Georges-de-Beauce dans le temps qu'il y avait des affaires. Dans le temps que le monde collectionnait moins les jeux, j'ai acheté ça, man, pour 10$. Et puis je savais qu'il y avait de quoi en arrière de ce jeu-là. T'sais, j'en ai acheté quelques belles choses au. À ce free game-là, sérieux, là. Maintenant, c'est impossible. Là. Ils ont la même merde année après année. Là. Puis, vu que j'habite pas sur place, je vois pas les nouvelles choses. Fait que moi, je vois juste les restants tout le temps. Puis, c'est toujours les mêmes restants. Là. Man, j'aimerais ça racheter cette business-là et faire de quoi avec ça. Je te dis, la boss, hein, je vais t'organiser ça. Et puis, ouais, fait que c'est un bon petit hack and slash, oui, qui se joue en co-op. Donc, c'est un bon jeu, pour vrai. Et puis, c'est un jeu qui a une bonne valeur. Ça vaut 90$. Et puis, c'est ça. C'est moins... tu sais, il n'y a pas un bruit de cypher là, comme à Strider. Ça manque un peu de violence dans le sound effect, je trouve. Mais il y a du beau mode 7 et puis toute la patente. Donc, très beau jeu. C'est bien d'avoir ça dans sa collection. C'est pas fou, raide, malade, mais c'est bien. Prochain jeu, un jeu de lutte. Saturday Night Slam Masters. Là-dedans, il y a mon ami Agar de la série Final Fight. Et puis, c'est un cool jeu de bataille, ça. C'est quasiment plus beat'em up que lutte, à mon avis. Donc, les personnages sont cool. Tout est cool là-dedans. Et puis, c'est un jeu d'arcade aussi. J'ai découvert ça. Puis, il y a un 2 qui s'appelle quelque chose comme Ring of Destruction. Et puis, je vais regarder ça. Attends un peu. On va commencer par regarder le prix de ça. Ça, c'est juste la cassette. C'est très beau, le artwork et puis toute la patente. Donc, ça vaut 40$. Et puis, Ring of Destruction. Ça, c'est moins commun, ça. Ah, c'est ça. Je pense que c'est juste sorti à l'arcade, le 2 de Saturday Night Slam Masters. Donc, si vous aimez la lutte et puis que ça vous dérange pas de pas avoir des vraies franchises de lutte, ça, c'est très bon, ça vaut la peine. De Capcom, beau artwork, très beau package. Bon petit jeu. Prochain jeu, bon, on fera pas... vous connaissez ça, là, c'est un RPG. Il s'agit de Secret of Mana. Parce que oui, on est rendu dans les S. J'ai pas besoin de vous parler de Secret of Mana, vous savez ce que c'est. Moi, par contre, j'ai joué quand j'étais jeune à Secret of Mana, mais pas autant que Final Fantasy 2 et 3 ou d'autres RPG. Comme un de mes amis avait ce jeu-là, puis je le sais, puis j'ai joué beaucoup à Chrono Trigger aussi, puis tu sais, il est comme dans le même package des excellents, légendaires RPG et tout, et tout, et tout. Mais j'ai pas assez joué à celui-là encore. Par contre, j'aimais, puis quand ils en ont parlé dans Nintendo Power, il y avait un beau poster là, dans la page du milieu de Secret of Mana, avec juste des arbres, juste des gros, gros, gros arbres, et puis les petits bonhommes en bas, comme sur la pochette présentement. Et moi, je trouve ça magnifique. Et puis la musique de jeu-là, je l'adore. Tu sais, juste dans la forêt. Là, c'est comme vaporeux, des petits nuages, puis tout. Là, c'est fou, raide. Et puis, moi c'est la bonne petite musique douce de RPG comme ça, j'adore. Et puis, dans Nintendo Power, ils montraient aussi les armes. toutes les armes et leurs évolutions. Et puis, il y avait des dessins pour chaque arme. Donc, toutes les épées, toutes les fouettes, toutes les faux, toutes les man. Puis ces dessins-là, ils étaient beaux. Moi, je regardais ça, j'aimais ça, regarder ça, tu sais. Donc, puis bon, c'est ça, ça joue même à deux en même temps, c'est très plaisant. Donc, je suis gêné, j'ai Secret of Mana complet en boîte, impeccable, super fucking propre. La cassette, c'est 50, et puis complet en boîte, c'est 145. Mais quand même, un bon Secret of Mana complet, toutes les maps, tout super méga propre. Tant qu'à moi, ça monte bien plus haut que ça. Et puis, je vais rejouer... chez Arcade Soleil, à ma retraite, je vais rejouer à ça. Là, j'ai pas le temps. J'ai tout le temps. Je fais juste comme tout le temps commencer ce jeu-là, puis j'arrête parce que je manque le temps. Prochain jeu, SimCity. Bon, on sait tous ce que c'est aussi SimCity. Moi, c'est du Early NES, ça. J'avais jamais... je connaissais le concept. J'étais pas sûr de vouloir me lancer là-dedans. Un de mes amis était vraiment accro à ce jeu-là. Puis quand la Wii est sortie, je me suis repogné ça sur le eShop. Et puis, on a joué ensemble. Puis là, il a fait le truc d'avoir de l'argent illimité, suite. Fait que là, ça m'a comme donné le goût, ça, de me bâtir une ville très rapidement, juste pour apprendre la base de ce jeu-là. Et j'ai eu du fun à se faire. Donc, c'est un très bon port. Je pense que ça fait la job en masse. C'est un bon jeu si vous aimez le style. Et puis, c'est très bien fait. La musique aussi, ça, je voulais dire. J'aime bien la musique de ce jeu-là également. Donc, c'est pas un jeu cher. Ça, c'est 15$. C'est très commun. Mais c'est un bon jeu bien fait. Prochain jeu, Krusty's Super Fun House. Jeu à la Lemmings où est-ce qu'il y a des souris partout et puis faut que tu les diriges vers leur mort qui est orchestrée par Bart Simpson avec des machines différentes pour chaque niveau. Et puis, très cool. Ça, c'est sorti ça, sur tout. Hein. Il y en a au NES, il y en a au Game Boy, il y en a au Genesis, il y en a partout de ça, des Krusty's Funhouse. Man, ils sont vraiment partis en fou avec ça. J'ai joué à ça un peu là quand même. J'ai peut-être fait le tiers du jeu avant de me tanner. Donc moi j'aime ça. Je trouve ça bon. Je trouve que c'est un peu underrated comme petit puzzle. C'est bien fait. Puis ça coûte pas cher. C'est 15-20$. Donc ça vaut la peine si vous êtes amateur du genre. Prochain jeu est un jeu que j'aime d'amour. Que j'avais loué quand j'étais jeune. Puis j'étais comme oh shit, y'a-tu comme une grosse scratch? Ah, y'a une petite graphine en avant. Label un petit peu usé, mais comme vraiment pas. Ça a l'air vraiment pire que c'est sur caméra. Il s'agit de Sky Blazer. Ce jeu-là, c'est un action platformer. Là, où est-ce que tu punches et puis tu as des pouvoirs magiques et puis tu colles sur les murs et tu sautes. Le look me rappelle un peu ActRaiser, mais ce n'est purement que action. Tu choisis l'ordre dans lequel tu fais les niveaux. Très bon soundtrack, beaucoup de mode 7. Des petites sections shmup, là, tubulaires, assez simples pour ramasser des bonus. Un jeu facile, sérieux, très facile, avec toujours des continues, que tu meurs, tu recommences tout le temps à la même place. Bref, c'est no big deal finir ce jeu-là, mais c'est un très beau package et puis j'aime ce jeu-là, je trouve ça très plaisant. C'est un jeu qui a une belle valeur aussi. On dirait que personne ne jouait à ça dans le temps, mais il l'avait au club vidéo Dawson. Désolé, Madame Oiseau. Et puis, loose, cassette seulement, ça vaut 115 environ. Et complet, ils le mettent ici à 170. Tant qu'à moi, la boîte, elle doit certainement valoir plus cher que ça. Je l'ai complet en boîte depuis pas longtemps. Donc, j'ai payé de mon argent durement gagné pour avoir le carton et le livret de cette cassette-là. Et je n'ai jamais regretté mon achat. Prochain jeu, ça c'est weird. Ça, c'est. Moi j'ai tout le temps vu ce jeu-là en me disant ah c'est de la merde, je vais jamais jouer à ça. Et puis il s'agit de Smart Ball. Et puis j'avais jamais vraiment joué à ça. Jusqu'à ce que mon ami Martine de La Vie Secrète des Geekettes maintenant, du podcast La Vie Secrète des Geekettes. Donc, il joue et nous en parle. Martine est une grande gameuse, elle game beaucoup, très admirable. Et puis, elle a joué à ça. Et puis, elle nous a fait découvrir que c'était un petit platformer cool, là, d'une petite boule. Cette boule-là, là, Smart Ball, qui saute et puis sur le monde, sur les autres, là, à la Mario, dans le fond, carrément. Donc, c'est un jeu de ce genre. C'est un jeu qui n'a pas une grande valeur, et puis, mais c'est un platformer. Puis, il n'est pas brisé, tu sais, il est comme bien fait. Donc, ça joue bien, cette affaire-là. Je l'ai essayé 5 minutes et c'est vrai. Donc, c'est intéressant, ça. Puis, je pense que c'est un jeu qui se termine bien aussi, qui n'est pas trop long. Donc, un easy pick-up and play platformer. Ça vaut genre 10-15$. Et puis, c'est définitivement un jeu que je vais commencer à... que je vais vouloir faire bientôt, ça. Très intéressant. J'aime ça. C'est pas toutes des grosses cassettes là, dans la vie. Ça te prend aussi des petits jeux de même, là, intéressants, des curiosités qui sont cool, là, puis qui coûtent pas cher, là, tu sais. Le prochain jeu est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit de Super Smash TV. En fait, c'est la version arcade que j'aime beaucoup, beaucoup à la base. C'est un jeu que j'ai découvert à l'arcade, à Old Orchard Beach, dans les arcades, quand c'est sorti. Il y en avait partout. Et puis, j'étais pas assez riche pour jouer à ce jeu-là pendant très longtemps, malheureusement. C'est un Twin Stick Shooter à l'arcade. La version NES se joue avec une manette NES dans chaque main, donc avec un des pads sous chaque pouce, donc tu bouges avec un des pads, tu tires dans toutes les directions avec l'autre, c'est super bien fait. Au Super NES, il n'y a pas cette option-là, malheureusement. Mais la job se fait quand même bien avec les 4 boutons de pouvoir tirer dans les 8 directions. Donc, puis ça joue en co-op au Super NES, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est très près de la vraie version arcade au Super Nintendo, pour vrai, là. Et puis, il y en avait parlé beaucoup aussi dans Nintendo Power, de cette version-là. Donc, ouais, c'est un jeu, c'est purement un shooter d'arcade. Un peu à la Running Man, là, où est-ce que t'es dans un studio de télé, puis il t'envoie des hordes et des hordes d'ennemis que tu tues pour ramasser de l'argent, puis des VHS, puis des toasters. C'est très dur, là, en passant. Tu sais, c'est trop dur, c'est trop long, le jeu, là. La version arcade, je l'ai fini, mais avec bien sûr des crédits illimités. Ça m'a pris comme une heure et quelques, là. Il y a des ennemis, il y a des boss qui m'auraient siphonné comme 30$ à eux autres tout seuls, ça a pas de bon sens, là, t'sais. Mais la version Super NES, ça n'a pas toujours décontinué ni rien, puis elle est quand même difficile. Donc, c'est tant qu'à moi finir ce jeu-là, c'est rough. Mais pour une petite session, là, t'es avec tes chums, comment, à quoi on joue, là, t'sais, on va se faire une run de Super Smash TV, là, ça se fait très bien, pis c'est très efficace, très plaisant. Ma cartouche est endommagée, malheureusement, on voit que le label est usé en haut. C'est le fun, ce que j'aime de ce jeu-là, de cet objet-là, c'est qu'il vient aussi d'un de mes meilleurs coups en game chasing que j'avais fait à Thetford Mines, pas nécessairement celui-là parce que ça vaut pas super cher, mais lui et beaucoup d'autres jeux que j'avais acheté cette fois-là dans un marché aux puces, et puis wow, j'adore. C'était un beau souvenir. Donc ça vaut 35$, et puis ça me prend un label upgrade, et oui, j'aimerais l'avoir complet en boîte parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Prochain jeu, un autre top-down shooter, celui-là, il n'est pas Twin Stick par exemple. Celui-là, il ressemblerait plus à Opération Logic Bomb. Il s'agit de Soldiers of Fortune, qui est... ben c'est ça, c'est un top-down shooter, et puis ça, c'est un jeu PC, hein, à l'origine, ou Amiga, ou je sais pas quoi, là. Et puis, ce qui est drôle, c'est si vous écoutez l'excellent YouTuber The Gaming Historian, qui est un gars qui fait la couverture de plein de jeux vidéo importants, il fait ça top-notch, les informations sont bonnes, c'est vraiment hot. Dans l'épisode de Tetris, il parle à un moment donné de Spectrum Holobyte, et puis bon, Soldiers of Fortune, comme vous le voyez présentement, il est publié par Spectrum Holobyte. Ça, je trouve ça drôle. Et puis, ouais, c'est ça, donc tu as le choix entre plusieurs personnages pour faire ton aventure, et puis ça se joue en co-op aussi, donc vu de haut, tu tires, puis il faut que tu te rendes du point A au point B en trouvant une clé. Non, c'est pas du point A au point B, c'est une zone, là, faut que tu trouves la clé pour pouvoir accéder au prochain niveau. Ça ressemble un peu à Smash TV, puis à tout ça. Moins arcadesque, moins frénétique, plus... histoire, mais ouais, j'avais pogné ça, mon marché aux puces Carignan dans le temps. Beau marché aux puces que j'aimais beaucoup aussi, dans lequel j'ai trouvé plein de belles choses. J'avais acheté ça en me disant, il y a Anguille sous roche, ceci me semble intéressant. Il y a une version Genesis aussi. Donc au Super Nintendo, ça vaut 30$ et puis au Genesis, ça vaut 20$. Donc voilà. C'est un jeu intéressant, ça peut être un bon jeu à jouer en co-op, ça. Gardez un œil ouvert pour ça. Je vous en conjure. Prochain jeu, un beat'em up. Of course. Ça, c'en est un gros, dans le sens que ça coûte cher. Il s'agit de Sonic Blastman 2. Sonic Blastman 1 était dans ma collection aussi et a passé dans le même tordeur que les autres jeux de Super NES que j'avais, que je trouvais pas si bon que ça, que j'ai décidé de débarrasser. Mais Sonic Blastman 2 est excellent. Donc le Sonic Blastman 1, il est slow quand même. Puis je vais dire comme mon ami Eric Théroux, ils ont pas mis de Sonic dans Sonic Blastman 1. Tu sais, c'est trop smooth, c'est trop slow, ça tue la game. Par contre, moi j'aime le personnage, j'aime le artwork. C'est Taito, tout ça, ça a l'air fou raide, mais c'est comme plat. Mais le 2 corrige tout. Le 2 est vraiment une grosse coche au-dessus. Et puis les personnages que tu peux choisir, c'est rapide, sont bons. C'est vraiment un bon beat'em up, ça, que je me suis rendu au boss de fin, puis qu'il m'a eu le salaud. Mais ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup et puis qui vaut cher. Mais tant qu'à moi, ça vaut son pesant d'or. Ça vaut 125$, donc c'est quand même pas si pire, là. Mais c'est un très bon beat'em up à avoir, ça. Puis maintenant que j'ai le 2, je veux revoir le 1, tu sais, pour faire beau. Donc, ça va réapparaître à un moment donné. Mais c'est une franchise weird. Mais le 2, il vaut vraiment la peine. Prochain jeu que j'aime d'amour et que j'ai complet en boîte, il s'agit du RPG Soul Blazer, qui est un jeu. Qui est un RPG d'action, top-down, comme Link to the Past, là, et puis Secret of Mana, tout ça. Et puis, c'est tout ça qu'on appelle un dungeon crawler, probablement. Mais c'est mélangeant là, le nom qu'on donne aux RPGs. Et puis, ça serait le premier d'une trilogie. Illusion of Gaia, qui serait comme le deuxième d'une trilogie, et puis Terranigma, qui n'est pas sorti ici, serait le troisième. Moi, Illusion of Gaia, j'ai essayé fort, puis je pense que j'avais fait le trois quarts du jeu, puis je me suis tanné. J'ai trouvé ça plate. Mais Soul Blazer, je trouve ça bon. J'aime la musique. C'est simple, et puis tu tues les ennemis, tu pognes tes affaires, la musique est écœurante, c'est pas compliqué. Moi, c'est ça que j'avais aimé dans le temps, mes amis m'avaient prêté ça, puis je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Juste pour la musique aussi, là, vraiment, c'est du Enix à son meilleur. Je vous recommande d'essayer ça. Je l'ai complet en boîte. Waouh, quand même, le jeu Loose, il est rendu à 100$. C'est pas rien, ça. Ça a augmenté. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir qu'il vaut plus cher qu'Illusion of Gaia. Complet en boîte, ça vaut 200$. Je veux juste voir Illusion. Oups. Illusion of Gaia, ça vaut combien, ça? Ça vaut 30$, voyez-vous. Donc, Soul Blazer a nettement dépassé là, le Illusion of Gaia. Moi, je le trouve bien meilleur. Puis, c'est très bon. Essayez ça. Allez voir du gameplay. C'est un peu redondant parce que dans les zones dans lesquelles tu te trouves, dans les zones de donjon, tu sais, faut que tu pètes tous les ennemis qui spawnent d'une genre de petite boîte à terre, là. Puis, un coup, t'es tout de suite, cette boîte-là, elle se défait. Il n'y a plus d'ennemis qui sortent de là. Puis là, parce que quand t'es dans un donjon, t'es comme à l'intérieur, comme dans un monde de rêve, si je peux dire. Fait que t'es dans le underworld. Puis, chaque affaire que tu casses d'ennemis, ça fait apparaître des affaires dans l'overworld. Fait que t'arrives dans un nouveau niveau, mettons la forêt. Là, tu vois juste une forêt, puis y a rien. Là, tu rentres dans le underworld pour aller tuer les ennemis. Et à chaque pastille d'ennemis que tu détruis comme ça, ça fait apparaître un arbre, ça fait apparaître un bonhomme, ça fait apparaître plein d'affaires dans le overworld. Puis après ça, tu retournes dans l'overworld pour aller parler à ces gens-là, pour aller peser sur des switches, puis tout. Donc, c'est très bien fait comme ça, là. Sérieux, c'est très bon, ce jeu-là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le monde il capote pas là-dessus. Prochain jeu, un très bon shmup. Il s'agit de Space Mega Force. Et puis ça, c'est un peu... Ça, c'est du Compile. Hein? C'est comme dans la main. Il y en a qui disent que c'est un peu la suite de Gun Knack au NES. Mais moi, je trouve pas que ça sonne, que ça joue comme une suite vraiment. Mais c'est un bon jeu. Absolument bon shmup sur Super NES. Celui-là, il vaut la peine. Et je l'ai pogné ça avec dans le même chasing que Smash TV. Très belle journée, cette journée-là. J'avais trouvé de belles choses et puis j'avais payé ça des fucking peanuts. Dans le même chasing que Ninja Warriors aussi, dans mon épisode qui avait les N dedans. Donc, ouais, des grosses cassettes. Des grosses cassettes. Puis ça, c'est un jeu qui a vraiment monté en plus en valeur. Là, c'est rendu combien cette affaire? 166$, donc 170$ disons. Et puis moi, j'ai payé ça 15-20$. Et puis j'ai fait un Egg Bowl upgrade avec le temps, par exemple. Et puis, ouais, très bon jeu. La dernière fois que j'avais regardé, c'était plus autour de 100$. Donc, ça continue de monter. Ça vaut la peine d'avoir ça dans votre collection. C'est un bon shmup, sérieux. Rien à redire là-dessus. Très bonne cassette. Très, très bonne cassette. Prochain jeu, ça, je suis un peu gêné de dire que je ne l'ai pas joué beaucoup. Il s'agit de Sparkster. Sparkster est un peu une genre de suite oh my god. Jeu préféré à Fred of all time. Rocket Knight. Rocket Knight Adventure. Donc, ouais, j'avais joué à un jeu de Rocket Knight, moi, en téléchargement au PlayStation 3 dans le temps en plus. Ça me rappelle ça. Il y a ça dans ma PS3 encore. C'est de même que j'ai commencé dans Rocket Knight. Mais je possède Rocket Knight au Genesis, puis comparativement à Fred, je suis pas si fan que ça de ça. Pour vrai, là, c'est un excellent platformer et tout, mais j'accroche pas autant que les autres là-dessus. Puis Sparkster, je l'avais trouvé au marché aux puces Carignan, lui aussi. Et puis je savais ce que c'était, donc je pense que c'est un peu considéré une suite, là, mais c'est un peu différent quand même. C'est pas écrit Rocket Knight, mais c'est exactement le même gameplay et tout. Et puis ça existe ça, au Genesis également. Donc au Super Nintendo, loose comme ça, ça vaut 140$. Au Genesis, ça vaut 90$. Complet en boîte, ça vaut 420$. Donc ça aussi, ça l'a monté. Ça l'a monté en salle. J'avais pas payé ça cher dans le temps, mais pas du tout. Donc, mais ça c'est moi, là. C'est moi qui n'ai pas pris le temps de jouer à ça. Ça, c'est de la qualité. C'est très, très bon jeu. Donc, platformer, action, avec un genre de dash que tu fais avec ton jetpack et puis de l'épée et tout et tout. Très beau package. Du Konami à son meilleur au Super Nintendo. Donc, très bon. Prochain jeu. Ça, c'est un beat'em up que j'ai loué beaucoup quand j'étais petit. Il s'agit de Spider-Man Venom Maximum Carnage. Et puis, j'aime beaucoup Carnage en tant que vilain, moi, dans la vie. Excusez, j'ai un petit message ici. Ah, bon. Il y a les messages, là. Foutez-moi la paix, c'est lundi matin, Colin. Oui, donc, Maximum Carnage. C'est un beat'em up. LJN, hein, donc... mais ça fait partie du LJN potentiellement pas pire, à mon avis. Et puis, ce jeu-là, il est comme sec. Tu sais, quand tu punches le monde, c'est comme tac, tac, tac. Et puis, quand tu le lèves, tu le lèves d'un coup dans les airs, fin, tu le slams à terre. c'est super sec, là, comme mouvement. Ben, avec Spider-Man surtout. Puis moi, c'est ça que j'aimais, là, tu sais. Puis, il y a une toune de Green Jelly, dans le fond, que vous pouvez écouter sur le. Qui, je pense, ça s'appelle Maximum Carnage, la track. Et puis, si vous êtes... tu sais, on n'est pas beaucoup dans le monde entier à avoir possédé les deux premiers albums de Green Jelly, mais j'en fais partie. Et puis, j'aimais pas vraiment ça, mais je trouvais ça intéressant. Je me trouvais cool d'écouter ça, disons. Et puis, le deuxième album de Green Jelly, la première tune, c'est la tune thème de Maximum Carnage qu'ils ont fait pour ce jeu-là. Il y a même le logo de Green Jelly au début quand tu commences la cassette. Puis c'est quand même une bonne track, là, sérieux, c'est très bon. Donc, il y a cette track-là dans le jeu. Écoute, combien ça vaut, ça, à cette heure? Maximum Carnage. Ça a pris un peu de valeur, malgré tout, cette affaire-là. Oh my! Ah non, ça, c'est le collector. Ouais, il y a un collector de ça qui est vraiment pas commun du tout. Ça vaut la peine de checker ça si vous êtes, si vous voulez des items de collection très précis, très hot. Ça, c'en est un. Sinon, la cassette de même, ça vaut 40$. Moi, je l'ai complet en boîte parce que j'ai ramassé la boîte dans un lot à un moment donné qu'on a acheté. J'ai décidé de garder la boîte pour moi. Donc, avec la boîte, ça vaut 135$. Donc, écoutez, c'est un bon jeu. Là. Essayez-le. C'est pas cher pour l'essayer. La cassette est rouge. Hein. C'est comme, yeah, c'est badass. Et puis, moi, je trouve ça correct. C'est du LJN réussi, ça, comme Alien 3 et comme quelques autres jeux. Donc, LJN, ils ont réussi des affaires. Ils ont réussi ça. Là, ce qu'il y a de bizarre, c'est que dans l'ordre alphabétique de mes jeux, le prochain jeu arrive après Maximum Carnage et c'est sa suite. Donc, la vie est bien faite de même, mesdames et messieurs. T'sais, on dit que ça va mal, mais dans le fond, ça va pas si mal que ça parce que ça fait du sens dans ma collection. Ouais. Séparation, anxiété. C'est la suite, donc, que j'ai juste acquis comme ça, publié par Acclaim, mais bon, LGN, ça, c'est tout ensemble, ça. C'est tout de la merde ensemble. Et puis, je viens d'avoir ce jeu-là, il était dans ma wishlist, je voulais la suite, parce que j'avais aimé le premier, et puis j'ai pogné ça dans un lot chez Retro Montréal, donc ça m'a fait bien plaisir quand ce jeu-là est apparu complètement out of nowhere. J'ai comme, bon, ben, c'est réglé, réglé de ma liste, j'ai barré ça. C'est la même fucking chose, exactement. Donc, ça vaut 30$. Et puis, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, mais ça sera à essayer, en tout cas. Mais oui, de ce que j'ai vu, puis je l'ai essayé 2 secondes, c'est vraiment la même affaire. Bon, prochain jeu, c'est un jeu que tout le monde connaît. Pas besoin d'en parler en long et en large. Star Fox, un jeu très important pour Nintendo, une belle franchise qui sortait à ce moment-là. Et puis moi, bien sûr, j'ai adoré ça. Il y a du monde qui ont vraiment pas aimé ça, Star Fox, qui ont détesté ça. Moi, j'ai adoré ça, là, pour être franc. Dès le départ, la musique, c'était fou raide. La façon que tu pilotais, tu sais, je trouvais que c'était... Mais graphiquement, je suis d'accord, tu sais, des gros polygones de même et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus joli à regarder. Mais crime, ça fonctionnait, tu sais, ça faisait la job très bien. Et puis, la musique était écœurante, puis le gameplay était superbe. Fait que, tu sais, comme, il y avait de l'ambiance, là. Moi, j'aime Star Fox, j'aime vraiment ça. Puis, je l'ai complet en boîte. Ouais, il me semble que j'ai ça. Ah non, je pense que j'ai vendu ma boîte parce que je m'en foutais un peu. Mais bon, c'est commun. Star Fox, c'est 15-20$. Donc, mais c'est quand même parce qu'ils en ont vraiment imprimé beaucoup. Mais moi, je considère ça un must dans toutes les collections de Super Nintendo. Prochain jeu, je viens juste d'acquérir ça, puis je dois dire que je l'ai pris juste parce que je pouvais l'avoir à bon prix, parce que c'est un jeu qui a une valeur certaine, et puis, mais je suis pas sûr que c'est si bon que ça. Il s'agit de Stone Protectors, et puis je connais pas vraiment ça. À voir les personnages là-dessus, puis comment est-ce qu'ils ont développé comme un logo pour Stone Protectors, j'ai vraiment l'impression que c'est une affaire qui existe, que c'est un vrai comic ou une vraie ligne de jouet, ou je sais pas quoi. C'est un beat'em up. Et puis, je l'avais essayé 2 secondes. Puis, j'étais comme, ah, c'est bien de la merde. Puis, finalement, c'est comme, ah, je sais pas, peut-être, ouais, peut-être, c'est pas pire. Et puis, vu que je l'avais pas cher, j'ai décidé de le garder. C'est un jeu qui vaut 70$. Donc, ça, je doute fortement qu'il y ait 70$ de fun là-dedans. Si vous êtes à la recherche de beat'em up et vous avez un budget de 70$, allez-y avec autre chose, là, tant qu'à moi. Peacekeepers ou des affaires du genre. Mais ça, c'est une curiosité pour moi, puis je l'ai dans ma collection juste parce que je ne l'ai pas payé cher. Puis on verra bien, j'attends d'avoir des amis pour essayer ça. Fun fact, c'est publié par Kemco. Et puis, il y a un jeu de ma wishlist que j'ai pas, puis qui est un beat'em up publié par Kemco, qui s'appelle juste Legend, qui est un peu slow-mo, qui est vraiment plus médiéval, là. Et puis, ça, c'est dans ma wishlist. Je veux ce jeu-là. Prochaine fois qu'il me passe entre les mains, chez Retro Montréal, je le garde, c'est sûr. Donc, beat'em up de Kemco. À voir. À explorer. Bon, là, on rentre dans les Street Fighter. Et puis, on commence avec Street Fighter Alpha 2. Un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans le temps avec mes chummies. Et puis, ça, je sais pas pourquoi... J'ai aussi le livret de ce jeu-là. Et puis, j'aimerais avoir la boîte, mais fuck man, je trouve pas de boîte. Il n'y a pas de boîte qui me passe entre les mains. Il y en a eu une fois chez Retro Montréal, mais elle était malheureusement en très mauvais état. Fait que j'ai comme un livret de ça dans mes affaires, puis ça me gosse d'avoir un livret flottant, parce que moi, on fout du livret. Mais je me dis, s'il me manque juste la boîte, ça va venir. Un jour, je vais avoir ça complet en boîte, mais là, c'est juste... CI. Cart et Instruction Booklet. Donc, c'est pas le meilleur, c'est du Super NES. Hein? Ça, c'est supposé, ça c'est meilleur, bien sûr, sur les consoles de génération plus récente. Là. Au Super NES, c'est quand même slow. Et puis, Baroque Larouche expliquait dans le dernier épisode du Chac à cassette le fonctionnement. Il y a un loading, il y a un genre de loading avant chaque combat. Et puis, on le remarque là, quand on joue au Super NES, c'est bizarre. C'est parce que la carte boot, boot tout ce que le combat a besoin. Je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais bref, il y a comme c'est genre un jeu qui a du loading dedans. C'est un peu bizarre. Mais ça brise pas le gameplay, t'sais, ça brise pas l'ambiance. Ça fonctionne. C'est un bon port, t'sais, mais si vous voulez vraiment vous mettre à la série Alpha, c'est définitivement pas la meilleure place pour le faire. Quand même, moi j'aime bien le jeu là. Et puis ça vaut quand même quelque chose, ça, hein? Ben, ça vaut 50$. Donc c'est bon à avoir, t'sais. Vous êtes amateur de jeux de combat au Super NES, vous en voulez plusieurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a très peu des bons. Ça, c'en est un bon. Prochain jeu, c'est Street Fighter 2 Turbo. Ça, c'est bon, par exemple. Ça, quand le Turbo est sorti. Moi, j'étais un peu piste dans le temps parce que j'avais acheté Street Fighter 2, t'sais. Super Street Fighter 2. Puis j'étais tout content de jouer à ça. Puis là, oh, on en fait un autre qui a plus de bonhommes, puis c'est plus rapide. C'est comme, Colin, man. Fuck. Puis après ça, ils ont fait Super Street Fighter 2. Ah, on en fait un autre, c'est encore, il y a du rapide dedans, puis encore plus des nouveaux bonhommes. Puis on en parle au dôme Nintendo à la ronde, puis on vous beurre ça dans la face, bande d'imbéciles qui avaient acheté les autres Street Fighters. C'est comme, fuck you, man. Fait que Super Street Fighter, c'est le Street Fighter qui vaut le plus la peine. Puis je l'ai, puis j'en parlerai pas tout de suite. Mais le Turbo, il fait un excellent job, il est très plaisant, sérieux. Puis ça peut vraiment être Turbo à côté, là. C'est un bon jeu, ça. C'est bien le fun. Ça vaut la peine. C'est une bizarre de chose, tu sais. C'est comme un upgrade pas complet de la série, dans le fond. Ça vaut 20$. Donc voilà. Le prochain jeu est un shmup que j'ai acquis dernièrement et que je voulais avoir, qui est un shmup très efficace quand même. C'est Strike Gunner STG. Et puis, c'est un shmup qui a pas de ralentissement dedans, qui est super efficace au niveau du gameplay. Mais j'ai fait les deux premiers niveaux, puis c'est gris. T'sais, il n'y a comme rien dans le niveau. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est comme juste une grande zone dans laquelle tu tires. T'sais. C'est gris longtemps. Là. Ils se sont pas forcés, pas en tout, là, au niveau du look. Pour ce jeu-là, je peux vous le dire, au niveau du background. Mais quand le gameplay est bon. J'attends d'avoir des amis aussi pour explorer ça un petit peu plus, parce que tout seul, je m'ennuyais un peu. Mais il était dans ma wishlist malgré tout. Et puis, ça vaut quand même 45 tomates, 125 complets en boîte. Je l'ai juste loose, mais je suis bien content de l'avoir quand même. Bon, prochain jeu, ça, c'est un grand classique. Sunset Riders, le jeu d'arcade que Konami a porté sur console. Ça, c'est dans le bon temps de Konami. Les bons jeux d'arcade, les bons ports sur console 16 bits, tu sais. Et puis, cette version-là de Sunset Riders est excellente. La version arcade est excellente. Cette version-là est excellente. J'ai pas joué à la version Genesis, mais je pense qu'elle est aussi excellente. C'est pas du 1 pour 1 avec l'arcade, mais c'est quand même très proche. Et puis, l'année passée, je me suis dit, je vais finir ce jeu-là une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai jamais fini. Et puis ça, c'est à l'époque où est-ce que Konami te donne 10 000 options. Là. Peux-tu jouer à Easy, Medium, Hard, Very Hard? Veux-tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue? Veux-tu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 vies? Là, t'es comme, ah, crème. Peux-tu m'imposer? J'ai trop de choix. Peux-tu m'imposer, s'il te plaît, comme ça serait quoi la norme pour réussir ce jeu-là quand t'es un joueur correct, t'sais? Fait que habituellement je mets toutes les continues, toutes les vies, puis je mets ça en normal. Et puis c'est ça, je me suis rendu au boss de fin, man. J'ai pas catché le pattern là, parce que ça gonne de tous les côtés. Mais ça c'est vraiment un must là. C'est un 2D gun. C'est comme Contra dans le fond, mais plus slow. Et puis avec plus de profondeur quand même. C'est un excellent jeu. Et puis je dois mentionner aussi comment il s'appelle le jeu de ninja dans. Attends un peu. Mystic Ninja Konami, c'est ça? Ah, non, pas ça. Attends un peu. Faut que je vous le dise. Sunset Riders Ninja Konami. Ça devrait même sortir, ça. Mystic Warriors. Donc, sur le même engin, il y a un jeu d'arcade qui s'appelle Mystic Warriors. Et puis, on l'a, ça, chez Arcade Montréal, dans notre même. Puis, à ce que je sache, je n'ai pas vu de port de console. Là, on va regarder, y a-t-il un port? Cabinet, arcade, CPU, plateforme, arcade seulement pour Mystic Warriors. Puis je suis tellement déçu, c'est tellement bon Mystic Warriors là. C'est comme Sunset Riders, mais ninja, man. C'est incroyable. Donc malheureusement, ça n'est pas disponible nulle part autre qu'à l'arcade ou chez Arcade Montréal. Vous viendrez, on va réouvrir bien. À midi, il faut que j'écoute le point de presse, ils parlent des restaurants et tout. Fait que peut-être qu'ils vont parler des bars, je sais pas, j'ai hâte de voir. Donc au Super Nintendo, cette cassette-là a pris de la valeur parce que c'est un bon jeu, ça vaut 100$ et puis j'aimerais l'avoir complet en boîte, ça vaut 300$. Ça, c'est une des boîtes et livrets que j'aimerais posséder, c'est sûr et certain. Prochain jeu est un early release dans la librairie, il s'agit de Super Adventure Island, un jeu avec ben du sifflet dedans. C'est vraiment pas plaisant. La musique me tape ses nerfs, là. C'est comme niaiseux. Moi, là, je suis pas vraiment fan là, de jeux à personnages préhistoriques. Là. Même pas du tout. Et puis, celui-là, il est dans ma collection rien que parce que, tu sais, bon, ça le prend, j'imagine. Comme Joe et Mac va sûrement venir un moment donné dans ma collection, mais je m'en fous un peu. Puis, jouer à ça, quand j'ai commencé à jouer au Super NES, tu sais, mais c'est très... Si tu sautes haut là, puis c'est weird, c'est comme un peu débalancé là, tu sais. Puis, mais ça fait la job là. C'est du début de Super NES puis ça paraît. J'ai pas vraiment d'amour pour ça. C'est Yatel dans ma collection qui a passé la purge puis qui est revenu. Comment ça va ça? Adventure Island. On joue tu à Island? Ça vaut au Super Nintendo, ça vaut 25$, donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. En fait, j'ai le premier dans ma collection sûrement parce que je voulais avoir le deuxième, parce que le deuxième il est vraiment plus complet. Il y a des éléments plus RPG dedans, à ce qu'on m'a dit. Donc je pense que j'aurais vraiment du fun avec ça. Je pense que le 2, il doit tout rebalancer la patente. Là. Ça doit être très bien fait ce jeu-là. Puis j'attendais qu'il me passe entre les mains pour l'avoir à bon prix chez Retro Montréal, donc le voici. Ça vaut 90$, puis pas commun, et puis celui-là, il vaut vraiment la peine à ce qu'on m'a dit. Donc c'est joli dans ma collection, j'y jouerai peut-être à un moment donné, mais en tout cas, c'est pas gênant là, quand il y a de la visite là, de sortir ça. Il reste 5 jeux, et puis on va arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il va falloir que je mette la journée en marche avec les enfants. Prochain jeu ici, ça c'est cool man, ça c'est Super Buster Brothers qui est un jeu d'arcade de pétage de bulles où est-ce que t'es comme tout le temps dans le même écran puis il y a des bulles qui rebondissent partout puis toi tu tires vers le haut, fait que tu pètes les bulles et puis les bulles bon ils se splittent et puis ils font plein d'affaires, t'as des armes spéciales. Malheureusement, encore une fois, c'est un jeu qui se joue à un seulement sur console, t'es comme... C'était-tu si compliqué que ça dans le temps de faire les jeux en co-op? Colin, ça brise tout. Là. Oui, tu peux jouer tout seul à ça, mais ça, c'est définitivement un jeu de party. Est-ce que c'est décevant? Pourquoi Final Fight, tu joues pas à deux? Pourquoi ça joue pas à deux? What the fuck, Capcom? Ça doit pas prendre plus de place tant que ça sur la cassette. Je sais pas, downgrade des affaires, rajoute un joueur, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment plaisant comme jeu, ça. Et puis, comme je dis, ça vient de l'arcade. C'est un jeu ça qui vaut 30$. Moi je trouve que c'est un bon jeu de dans ce style là. J'aime beaucoup ce genre d'affaires là. Puis la pochette est un peu laide avec les petits bonhommes là. Mais il y en a un blanc puis un noir là, fait qu'on est correct là présentement. C'est pas un jeu raciste, fait que mettez pas le feu nulle part. J'approuve en passant 100% ce qui se passe présentement. Mais ça, c'était juste une blague. Et puis, mais c'est un bon jeu. Ça, gardez un œil là-dessus. Ça peut avoir l'air pas bon quand vous regardez la pochette, mais c'est bon. C'est bon. Bon, prochain jeu. Ça, c'est un jeu important pour moi. Il s'agit de Super Castlevania 4. Ah, que dire. C'est le Castlevania qui est pas tout à fait comme les autres Castlevania, je trouve, parce que c'est un gros sprite. Et puis, tu fouettes dans toutes les directions. T'as du contrôle sur ton jump. Donc, ce jeu-là voulait, à l'origine, être un genre de remake, si on peut dire, du premier Castlevania. Moi, je vois rien là-dedans qui ressemble à part le niveau qui est comme dedans, le premier Castlevania. Mais la Haunted House. Pour le reste, il n'y a rien qui a souvenir là-dedans, à part le fait que c'est Simon. Cela dit, c'est un excellent jeu, moi je trouve. Il y a des gens qui n'aiment pas ce jeu-là du tout, parce que c'est justement pas comme un Castlevania. Moi, quand j'ai eu ce jeu-là, quand j'étais jeune, j'ai acheté ce jeu-là en étant un fan de Castlevania. J'avais joué au 1, 2, 3 au NES, puis j'étais comme, bon, ben, crime, j'adore Castlevania, je veux le prochain. Puis le prochain, c'était ça. Fait que j'ai joué à ça comme si de rien n'était, en me posant pas de questions si ça respectait le style d'une série. En tout cas, je suis comme, bon, 16 bits, on est rendu là. Puis j'étais impressionné, là, c'est beau ça, cette affaire-là, la musique est incroyable, et puis il y a des petits bouts cachés, puis tu sais, comme les niveaux sont super variés, là. Il y en a du stock dans le jeu, là. Et puis c'était pas disponible ça à Saint-Joseph-de-Beauce dans aucun magasin, il y avait pas ça au Corvette, hein, on a ça, on avait un Corvette dans notre minable centre d'achat, nous autres. Donc, puis tu sais, de faire un aller-retour à Québec en attendant que peut-être qu'il y ait ça quelque part, je sais pas où, ben il n'y avait pas ça au magasin à Kerouac, à Sainte-Marie. C'était bien dur pour moi d'avoir le jeu précisément que je voulais, mais je l'avais vu chez Sears à Saint-Georges-de-Beauce, puis qui dit Sears dit fucking ben trop cher, ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, comme c'était 20-30$ de plus cher, ça. J'ai payé ça, ma mère a payé ça 100$, et puis... Elle était bien insultée de payer aussi cher que ça, tu sais. Puis j'étais rendu là, comme j'avais comme supplié à mes parents que j'étais comme rendu à peut-être avoir un nouveau jeu pour jouer, là, tu sais. Ça faisait longtemps que je jouais au même fucking jeu que j'avais depuis longtemps. Il avait été d'accord. Puis je pense que je l'avais peut-être payé une partie. Puis ma mère était vraiment en colère là, qu'on paye 100$ pour ça. Avec raison, on se faisait fourrer, mais on était en Beauce. Fait que si on veut pas qu'on se fasse fourrer, ben on a rien qu'à pas. Mettez pas notre vie en Beauce, mon. Hein? Mais là, maudit. Moi, je voulais être en ville, je voulais pas vivre en Beauce. Fait qu'on a payé le prix de Beauce pour ça, mais ma mère peut être assurée, j'ai comme joué à ça, je le refaisais. J'adore ce jeu-là. J'ai joué comme un malade, et puis c'est un jeu que j'aime beaucoup dans ma vie. Un jeu d'amour et de passion, mais je suis quand même d'accord que c'est différent, là. C'est pas un Castlevania authentique de la série. C'est un Castlevania authentique, mais le gameplay est différent. C'est différent. Mais c'est bien fait, alors j'aime. Et puis, cassette seulement, ça vaut à peu près 60$. Complet en boîte, ça vaut 160$. Donc, boîte, bien sûr, je l'ai complet en boîte. Boîte et livret que j'avais acquis d'un fruit, c'était le fruit d'un échange avec Giz. Dans le temps, ça fait plusieurs années. On avait un CDI avec les deux Zelda, et puis Giz les voulait, fait qu'on s'était dit qu'on allait faire un échange, donc je suis allé chez eux. On a regardé sur Price Charting le prix du CDI avec les deux jeux de Zelda, et puis en échange, moi, je pigeais dans sa collection le value de même prix. Et puis Giz, il avait ça sur eBay dans sa collection, donc fait que ma boîte vient de là. Très heureux. Lui, bon, quand moi je suis Castlevania. Je pense que Giz est aussi amoureux de Zelda que moi je suis amoureux de Castlevania, donc. Mais c'est pas un pour un, là. J'avais pris plein d'autres affaires dans sa collection, fait que ça avait balancé, on s'est entendu, puis c'était parfait. Donc voilà. Donc tout le monde était heureux, finalement. Donc c'est ça. J'ai-tu dit le prix? Ils ont 60$ puis 160$. Donc voilà, un jeu très important pour moi. Prochain jeu est un autre jeu que. Est un autre jeu que j'aime beaucoup. Et c'est Beat'em Up. Il s'agit de Super Double Dragon. Un jeu que j'avais loué dans le temps. Il me semble que j'en avais parlé dans l'épisode où est-ce qu'on était dans les C. J'avais loué ça dans un party de hockey, de fin de saison de hockey, où est-ce qu'il y avait un Super Nintendo. On avait loué Contra 3 de Alien Wars et Super Double Dragon. Et puis, j'avais même pas joué au hockey avec mes coéquipiers ce soir-là. J'avais comme resté plugué sur le Super NES. Autant Contra 3, ces moments-là qui se figent dans ma tête. C'est fou, pareil. C'est juste des fucking jeux vidéo, mais pour vous dire à quel point j'aime ça. Donc, Contra 3, bon, c'était frénétique, c'était fou. Mais Super Double Dragon, c'était smooth. Tu sais, la musique, là, c'était jazzy, là, tu sais. Ce jeu-là, il est pas frénétique du tout, en fait. Il est très smooth. T'as tous tes moves tout de suite en partant. C'est ça qui est un peu plat. Moi, ça me dérange pas. C'est un jeu dans lequel tu fais les mêmes moves tout le long. C'est pas un jeu qui est si long que ça non plus. Tu joues en co-op et tout, c'est les mêmes ennemis. Tu sais, c'est répétitif, on va se le dire, là. Puis la musique est excellente. Graphiquement, c'est très, très, très, très beau. Moi, j'aime jouer à ce jeu-là pour relaxer. Ça me relaxe, puis je trouve ça nice. Puis, tu sais, mais je ferai pas un stream de ça parce que vous allez trouver ça plate parce que, tu sais, tu fais la même affaire tout le long. Mais j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est un jeu qui manque de finition. Puis il a peut-être pas été fini dans le temps parce que, tu sais, il n'y a pas de musique spéciale de boss quand t'arrives à un boss. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas dans les autres Blood Dragon nécessairement non plus. Mais il manque quelque chose. Tu sais, la fin, c'est juste paf. Il y a comme un texte qui part, puis ça t'explique, puis bravo, merci, bonjour. Ça manque un peu de finish, là, au niveau de... Il aurait pu avoir des cutscenes, il aurait pu avoir des petites affaires spéciales ici et là. Ça l'aurait comme vraiment, là, tu sais. C'est juste ça qui manque à ce jeu-là, une petite... Il manque d'épices, il manque le petit side là, qui fait que c'est beau, là, tu sais, comme... T'as ton assiette, là, t'as ton repas principal, mais t'as juste la viande dedans, tu sais, avec un peu de sauce. Mais t'as pas de patates, t'sais, t'as pas tes légumes, t'as pas tes affaires. Donc, c'est un peu ça. Mais malgré tout, j'aime beaucoup ce jeu-là, c'est vraiment bon. Je l'ai complet en boîte aussi, parce que vous comprendrez... que c'est un jeu que j'aime d'amour et de nostalgie. Alors, super Double Dragon au super Nintendo. Ça vaut 40$, et puis complet en boîte, ça vaut 100$. Très heureux d'avoir ça complet en boîte. Ça, c'est une affaire que je désirais avoir complet, absolument, absolument. Et puis, j'ai acheté ça dans la même batch que les grosses boîtes chères. Ninja Warrior, Skyblazer, ça. Et le prochain jeu, en fait, je fais un segue sans même m'en rendre compte. Super Ghouls and Ghosts était aussi dans cette grosse batch de jeux de carton que j'ai payé, super cher. Donc, early release de Capcom sur la console, Super Ghouls and Ghosts est un port très beau de la version arcade. Malheureusement, il y a des tonnes de ralentissements dans le jeu-là et ça le brise pas mal. Moi, j'ai pas ben exploré ce jeu-là. J'ai la boîte et le livret juste parce que, vu que j'en achetais, celui-là était là, il me faisait un bon prix. Je dis, ah, ok. Parce que j'aime la pochette, j'aime le graphisme du jeu, je trouve ça très beau, tu sais, c'est du très beau Capcom. Mais je dois avouer que j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là. Par contre, la version Genesis me semble beaucoup plus jouable, vraiment plus laide, à mon avis, là. Très laide même, mais tellement plus jouable. Donc, c'est ça, tu sais, Mais je suis pas un grand... C'est pas ma série préférée, ça, les Ghosts and Goblins, puis Ghosts and Ghosts et tout. C'est pas une série que j'ai explorée beaucoup, et puis c'est très difficile, hein, cette série-là. Puis c'est ça qui me décourage un peu. J'aime pas assez ça, genre, pour me claquer le bordel d'essayer de faire ça, mais je devrais, par exemple. Ça devrait être dans mon style de jeu que j'aime. Ça va venir, mais bon... Fait que ce jeu-là vaut 25-30$, complet en boîte, il vaut une centaine de piastres. C'est les ralentissements qui tuent le plaisir de jouer à ça, à mon avis. Mais c'est très beau, très bien fait, musicalement. C'est vraiment ça coche. Et le dernier jeu pour aujourd'hui, combien de temps que je fais ça? 1h30? Parler tout seul de même pendant 1h30, hein, ça fait comme une grosse conférence. Hein? C'est un peu fatigant. Bon, ben, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. Il s'agit du combo Super Mario All-Stars et Super Mario World. Écoute, je savais pas que cette affaire-là existait, en fait, avant de recommencer à collectionner les jeux vidéo de façon plus sérieuse. Et puis, j'ai les deux jeux loose, donc puis j'ai celui-là aussi. Je devrais peut-être me débarrasser de soit les deux autres ou soit lui, je sais pas. Mais je trouve ça cool. Tu sais, dans le temps, là, ça, c'était... t'en avais pour ton argent, là, avec tout ça, c'est la même cassette, là. Très cool. Et puis, bien sûr, des jeux qu'on aime tous. Hein? Moi, Super Mario All-Stars, j'ai joué à ça vraiment à côté. J'ai eu beaucoup de plaisir à refaire les Mario du NES que j'avais pas rejoué parce qu'on était rendu au Super NES et on était ailleurs. Et Super Mario World, j'ai joué à côté à ça, vraiment. Un des meilleurs jeux vidéo of all time. Comment ça vaut, ça va? Là? Ça a une petite valeur quand même. Ça vaut 50$. Et puis ça existe, ça, en boîte aussi, et ça vaut 125 environ. Donc voilà. Mais bien sûr, je ne jouerai jamais à ça. Ça, c'est juste pour la tablette. Donc, ça va être tout. Je suis fatigué. Ouais, il arrive 10h, hein, c'est ça. Donc, j'ai des choses à faire. Et puis, là, j'ai fait deux rangées de cassettes. À ce que je vois à venir jusqu'à la date, quand je fais un épisode comme ça, je suis capable de faire, pas des rangées, mais des colonnes, deux colonnes d'épais de jeu. Et puis, il me reste une colonne et trois quarts à peu près pour finir. Alors, c'est vrai que dans le prochain épisode, ça va être vraiment la fin de ma collection. Ensuite, savez-vous quoi? Je pense que je vais faire un petit post Facebook pour dire c'est quoi que vous voulez que je présente comme prochaine collection dans ce format-là sur mon podcast. Donc, c'est sûr, moi, DS, j'ai déjà ça en tête. Je vais regarder là, mes autres consoles, puis on verra. Mais j'espère que vous appréciez. Si vous aimez m'entendre parler de tous ces jeux-là comme ça, les uns après les autres, laissez-moi des commentaires sur YouTube ou bien personnellement, Facebook, whatever. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Et puis, je remercie mes Patreons. Merci beaucoup. Si vous voulez m'encourager à continuer à comme pusher le podcast et mes affaires, vous pouvez devenir Patreon. Allez voir ça. patreon.com/papacassette. C'est nommé en début de show. Et puis, voilà. J'essaie de livrer à toutes les semaines un petit épisode. Là. Alors, je suis content. Celui-là est enregistré lundi matin. Mes Patreons vont l'avoir aujourd'hui et puis les autres dans deux jours. Alors, c'est une exclusivité aussi si vous me donnez quelques dollars pour m'encourager. Donc, merci à tous et puis portez-vous bien. Surveillez ma page Facebook. Ces temps-ci, je finis plein de jeux. Je suis assez actif. Alors, on se voit là et puis sinon, on se voit au prochain épisode. Salut!